Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En face. Oui, réponse C. Non, réponse D.